J'observe ces hommes en costume noyés dans cette masse informe. Cette femme au visage dur qui passe en force, elle pense fort à sa carrière, fonce malgré le harcèlement des hommes. Mais la seule chose qui la pousse quelque part, c'est le manque. Elle a besoin de plus qu'un antidépresseur assez puissant. Mais si elle laissait libre cours à ses pulsions, en vrai, ce qu'elle ferait, c'est qu'elle peindrait sur une fresque. Elle veut, c'est qu'elle, elle sait ce qu'elle veut. C'est quelque chose de presque élémentaire à presque élémentalement prête. J'aimerais presque élémentaire avant que le temps la prenne, avant qu'elle devienne un vrai squelette et qu'on la perde au sens large. Un vrai squelette que l'on exhibe en science nat pendant l'après-midi. Un sourire éternel qui traîne en elle comme si cette vie n'était qu'une triste blague. Alors il l'exhibe pour que l'on apprenne de force que le règne de l'homme se trouve dans la science et que la magie n'existe pas. Mais on résistera. Dans ta tête, ça tourne pas rond. Tes pensées sont des ellipses. Le système te permet de voler, mais c'est pas des ailes, c'est des hélices. Contrôle-toi ou fais-toi contrôler, on peut être libre ou prisonnier de ses vices. Et si les enfants décident de prendre le relais, les suivants subiront des années de sévices. Soudain la gare se vide et les regards s'évitent. Et c'est la guerre civile, elle est civile, l'amour se perd si vite. La terre-mère étouffe sous la saleté de ses fils. Face à ces idées qu'on subit, je sais la cécité te séduit. Nombril égocentré, très peu s'entraide. Triste ironie d'une société de service. Les gens dans le besoin passent après les apparences qu'on va bientôt devoir sauver. Que dira ton voisin qu'a perdu ses grands-parents dans le ghetto de Varsovie? Alors t'as gueulé sans trêve et tu t'es plié en quatre sans trêve. Tes neurones ont crié, ton cœur est cendré. T'as jamais supplié quand t'as besoin de rêve. Peu de sang frais, dur de te concentrer. Toute ton enfance dans des zones excentrées. Tu es jeune et ambitieux donc tu te sens prêt. Déjà t'y peux, tu n'écoutais que le 113. T'as dit à ta mère je reviens, le temps presse. Y'a que pour te faire monter que je descendrai. Un jour j'achèterai l'immeuble entier juste pour être sûr qu'on te laisse entrer. Même du sommet des arbres, tout ça te dépasse. Des sommes de pensées que le sommeil efface. Nous sommes des zombies, nous sommes des masques. Des sommes de face, désormais néfastes. Des zones désolées, des hommes et des femmes. Tu te sens d'aucun des clans. Des sourires en coin, des clins d'œil. Avant le deuil d'un amour en déclin. Fuir la nature immatérielle, c'est pas sûr qu'on puisse. Face à la lumière intérieure, c'est nos yeux complices. Ils disent que l'amour rend aveugle, mais s'il t'a redonné la vue, il t'a fait muer quand ta rage était sourde. Il a fait fredonner la rue. Il t'a fait retirer le collier de chien qui te servait d'écharpe. L'éducation t'a fait désapprendre des choses essentielles que tu savais déjà. Surtout n'oublie pas qu'aventurier, mais l'amour te libère. Là tu oublies, t'es rien dans l'univers. Et avant tu rayonnes, libère ta lumière. Ils voudront te raisonner, libère ta lumière. Et aventurier de l'inconnu, aventurier de l'inconnu, aventurier du temps qui passe. Et puis le temps est passé. Aventurier du temps qui passe, et puis le temps est passé. Mais aventurier de l'inconnu, aventurier de l'inconnu, aventurier du temps qui passe, et puis le temps est passé. Mais aventurier de l'inconnu, aventurier de l'inconnu, aventurier du temps qui passe, et puis le temps est passé. Mais